Ça fait 33 balais qu'il court après son destin. Mais il est sûr d'en faire un festin. Et dis-moi pourquoi attend-il la mort, lui qui est là chez lui qui pleure et regrette doucement son sort. Il s'était juré de ne pas plier, piller son bonheur est sur la croix, ne pas le crier. Crier à l'aide, même pas en rêve. Et si son cœur saigne, il ne criera pas à l'aide. Non. La solitude le crame et drague à l'aide d'une bouteille de Sky sur le macadam. Comme il est seul, mais il aime ça. Et autant que l'humain, il ne l'aime pas. Comment peut-on laisser une vie si rigide? Comment peut-on pousser un homme au suicide? Peut-être que le système cache des failles. Peut-être que la bouteille n'est pas si légale. L'alcool lui coule dans le sang autant que la mort. Mais aucun de ces hommes ne viendra pleurer son sort. Eux qui criaient fièrement leur amour pour le peuple. On a bâti le monde mais nous sommes que des meubles. Nous sommes des pantins qui suivent sagement les instructions pour construire un nouveau monde de modernisation. L'achèvement final de cruauté perfide et amère. Nous sommes une bande de lâches perdus sans repère. Sans père nous sommes paumés. C'est nos vies qui cherchent à gommer. Et comme on suit main dans la main, tu as le sentiment et pense très fort être quelqu'un de bien. Tu vis pour ton compte. Tu penses ne pas mentir, que la vérité se trompe. Tu vois dans la loi comme tu lis dans la Bible. Mais il s'accapare ta voix de façon habile. Depuis toutes ces années que tu crois aux mensonges, enfermé dans la sonde qui monte l'utopie d'un monde. Et quand tu t'échappes de la bulle, tu vois que toute leur cruauté nous ronge, nous mange. C'est un avenir dans le rouge. Mais dis-moi pourquoi rêver tous les jours à un monde meilleur quand tu suis et approuves bêtement un empereur. Ces chefs sont autant là pour toi que pour la paix. Eux qui se remplissent les poches à l'aide de nos peines. Ils font couler le sang sur le drapeau blanc de nos cœurs. Et puis font passer leurs crimes sur la couleur de la peur. L'islam est devenu le symbole de l'extrême, du voile et de la haine pour que les gens vous aiment. Mais au fond, vous dites ce que la plupart aiment entendre. Tous ces fachos qui vivent tous les jours avec la peur au ventre. Et qui n'assument pas leur idée morbide et amère. Eux qui crachent des bêtises sur la mort de nos frères. Mais écoute, ils vivent tous dans le doute, et par peur continuent la route, tous frileux et froussards, préfèrent se fier au brassard, à la loi et l'ordre, et achever toutes ces hordes, de ceux qui veulent une vérité, de tous ces gens qui veulent la paix comme la liberté. Qui ne veulent plus de préjugés. Nous qui crachons sur leurs croyances. Pour faire passer une loi, avec la compassion de notre ignorance. Ils nous abrutissent de chimères. Tous ces gens qui à l'époque finançaient Hitler. Et qu'on est pour eux de l'estime. Mais que l'on voit des terroristes en Palestine. Ces gens qui font couler dans notre sang de la haine nous parlent de démocratie basée sur de l'extrême. Ces gens qui appauvrissent l'Afrique de jour en jour et qui vont nous dire de nous méfier de l'amour. Ces gens qui parlent de paix qui vont vendre des armes, nous droguent à la télé qui est devenue notre cam. Nous parlent de tristes drames d'une religion impure et récupèrent de l'argent sur la douce et sur la dure. Ces gens qui financent de la thune à tous ces dictateurs. Eux qui nous parlent de cœur et qui nous vendent de la peur. Ceux-là même qui par connaissance ne vont pas en prison. Qui t'envoient les CRS pour cause de rébellion. Eux qui tuent des gens par simple profit financier. Qui traitent de fachos une terre que l'on appelle volée. Tous ces gens qui parlent d'injustice et de peine. Et dis-toi bien qu'en 2007 on a voté extrême. La paix comme la liberté.